Chapitre 16e. 3 semaines se sont écoulées pendant lesquelles Albert Savary est devenu le compagnon inséparable de Vibert. Il se lève, il sort, et il se rend à l'Hôtel des Princes, où il déjeune d'ordinaire avec l'agent de police, de plus en plus déguisé, de mieux en mieux travesti en homme riche et en étranger. En effet, Vibert s'est si bien identifié avec le comte de Rubigny qu'il lui arrive de se prendre au sérieux et d'oublier qu'il joue un rôle. Il est tellement habitué à ce qu'on l'appelle monsieur le comte qu'un monsieur tout court réveillerait sa susceptibilité. C'est à peine s'il consent, dans le silence du cabinet, en tête à tête avec lui-même, seul à seul avec sa conscience, à se reconnaître pour l'ancien Vibert et à s'avouer qu'il est un simple roturier. Lorsque j'en aurai fini avec cette affaire de la rue de la Paix, écrivait-il un jour, à ce sujet, à son puissant protecteur, le marquis de X, il faudra que je m'occupe de rechercher mon arbre généalogique, de fouiller dans mon passé et dans celui de mes ascendants. Il doit y avoir dans mes veines quelques onces de bon vieux sang aristocratique. Eh bien, admettons qu'il y en ait, imbécile. Après, répondait le marquis X, toujours encourageant. Au point de vue de la dépense, Vibert ne se refuse à rien. On dirait qu'il a toujours vécu sur le pied de 25 000 francs de rente. Il n'hésite pas à déjeuner au champagne frappé toutes les fois qu'Albert Savary lui tient tête, et il n'a pas craint de faire dire au fameux Privat, le maître de l'Hôtel des Princes, de lui réserver ses meilleurs vins. Pour être juste cependant, et pour rendre hommage aux qualités généreuses et vraiment hospitalières du comte de Rubigny, disons qu'il n'est prodigue qu'avec son hôte. Lorsque celui-ci lui fait défaut, Vibert remplace ses grands crus par un petit vin ordinaire qu'il tient en réserve au fond d'une malle. Il en est de même d'une foule de détails. Si, par exemple, Savary passe avec lui la soirée, il éclaire son appartement à Giorno. Mais dès qu'il est seul, il s'empresse d'allumer un petit rat de cave économique. S'il s'enferme dans sa chambre pour écrire au marquis de X ou à la préfecture, il retire sa redingote, sortit des ateliers d'un bon faiseur, et passe un vêtement qu'il a rapporté de la rue de l'Arbre Sec et pour lequel il paraît avoir eu un culte tout particulier, car de peur d'en user les bras, il recouvre de manches en lustrine. Enfin, Vibert excelle à se dénoubler. D'un côté apparaît majestueusement le comte de Rubigny, grand seigneur jusqu'au bout des ongles, de l'autre, on voit circuler modestement l'ancien petit employé à 1 200 francs, économe par habitude et par nécessité. C'était le plus souvent à la fin du déjeuner, entre 2 cigares, que Vibert discute avec Savary l'emploi de la journée. « Voyons, mio caro, » disait le comte en lançant une bouffée de tabac, avec une désinvolture charmante. « Vous êtes aimable, empressé, plein de prévenance pour ma parente, et je vous en remercie de tout mon cœur. Mais ce fameux programme que nous avons arrêté, de concert avec vous, nous ne nous y conformons pas. C'est à peine si nous connaissons Paris depuis tantôt 6 semaines. » « Voulez-vous récapituler avec moi ce que nous avons fait? Le voulez-vous? Je n'y vois pas d'obstacle. D'abord, vous nous avez conduit dîner au Palais Royal. Vous savez bien, ce jour où vous nous avez donné une si prodigieuse idée de votre tête, vous rappelez-vous, cher ami? Parfaitement. Madame de Rubigny voulait vous griser, caprice de jolie femme, et je la secondais de mon mieux. Bon, impossible, vous avez bu ce que nous avons voulu, et vous avez conservé le sang-froid le plus imperturbable. » Il n'y a pas eu moyen d'obtenir une seule petite confidence. Je n'en avais peut-être pas à faire. On en a toujours, un jeune homme, un viveur comme vous. Ah, vous êtes discret avec vos amis, vous ne vous livrez pas. Prenez donc exemple sur moi. Je suis la franchise même, vous connaissez toute ma vie, je vous ai raconté mes plus petits secrets. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Depuis le dîner en question, qu'avons-nous fait, je vous prie, rien, absolument rien. Nous devions visiter tous les monuments de Paris, je n'en ai pas vu un seul. Je ne puis cependant pas retourner à Naples et dire « je n'ai pas vu les monuments ». Ce serait déplorable. Vous avez l'air de plaisanter. Certainement, ce serait déplorable. C'est bien assez de ne pouvoir aller dans aucun théâtre à cause de notre deuil. Les monuments nous restent, voyons les monuments. Quand vous déciderez-vous à nous conduire à Notre-Dame, au Louvre, au Luxembourg, aux Tuileries, au Palais de Justice, je brûle surtout de visiter le Palais de Justice. Bon. Ce n'est pas très curieux. Ah, je reconnais bien là, messieurs les Parisiens. Ils sont si gâtés qu'ils n'admirent plus rien, absolument rien. C'est à peine s'ils daignent jeter un regard dédaigneux sur leur curiosité. Tenez, je parie que vous n'avez jamais demandé de permission pour visiter vos prisons. Ma foi non, je l'avoue, je les ai visitées sans permission. Vraiment, et comment cela? Ce serait trop long à vous expliquer. J'avais des intelligences dans la place. Êtes-vous heureux? Et vous ne pourriez pas m'obtenir la même faveur? Voyons, un peu de bonne volonté, vous y retournerez avec moi. Je n'y tiens pas. Vous n'êtes donc pas curieux de ces choses-là? Il me suffit de les avoir vues une fois. Alors ayez-moi quelques laissez-passer, j'irai seul. C'est entendu, je m'en occuperai. Et le musée d'artillerie, que je grille de visiter, et les gobelins, etc., etc., car je n'en finirai pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas commencer. Mais si, je veux commencer, et le plus tôt possible, dire que je ne connais même pas vos principales rues. Vous nous avez conduits un soir, rue Vivienne, rue de la Chaussée-d'Antin, rue Lafitte, mais nous n'avons pas jeté le plus petit coup d'œil sur la rue de la Paix, dont il est si souvent question là-bas. Dites-le franchement, pourquoi ne sommes-nous pas allés nous promener rue de la Paix? Parce qu'elle ne s'est probablement pas trouvée sur notre chemin, répondait très simplement Savary, tandis que Bibert l'observait. Enfin, quand verrons-nous tout cela? Quand vous voudrez? Aujourd'hui alors? Aujourd'hui, soit. Tels étaient les projets qu'on formait sans cesse et qu'on n'exécutait jamais. Une fois sa comédie jouée, l'agent de police, qui trouvait inutile de se montrer en public avec Madame Julia Vidal, ne rappelait plus à Savary ses promesses, et celui-ci n'avait aucune bonne raison pour rafraîchir la mémoire de Vibert. Après le déjeuner, vers les 3 heures, on se rendait rue de Grammont chez Julia. On causait au coin du feu. Quelquefois, le plus rarement possible, on sortait en voiture fermée. Le dîner réunissait aussi de temps à autre les deux voyageurs et leur cicérone, et la soirée s'achevait en commun. Ainsi, à force d'habileté, Vibert avait organisé autour de Savary une des plus étroites et des plus étranges surveillances qu'on pût imaginer. Étroite, en ce sens qu'il surveillait non seulement l'individu lui-même, mais ses moindres gestes, ses moindres paroles, ses regards, ses intentions les plus cachées. Étrange, parce que c'était la personne surveillée qui venait tous les jours chercher l'agent de police à domicile et se livrait à lui. Sans se déranger, les pieds sur ses chenets ou sur les chenets de Julia, Vibert faisait son service. Et quel service ! Toujours prêt à tendre un piège à son adversaire, à profiter de ses moindres fautes, à scruter toutes ses actions, toutes ses paroles, à s'entourer de preuves morales et matérielles qui, pensait-il toujours, ne pouvaient manquer tôt ou tard de lui être données. Cependant, s'il était permis de juger la conduite d'un agent aussi habile que Vibert, nous dirions qu'il commettait depuis quelque temps une maladresse. Quel avait été son but en priant Julia de se rejoindre à lui? Quel discours lui avait-il tenu? Après avoir clairement établi que Savary, par suite de son existence dissipée, n'avait jamais dû aimer aucune femme, il s'était écrié « Il faut qu'il vous aime ». Et comme Julia, stupéfaite, ne comprenait pas, il avait ajouté « C'est le seul moyen que nous ayons d'arriver à la vérité. Savary ne vous connaît pas. Il ne peut se méfier de vous. Vous entrerez dans sa vie, vous participerez à son existence, vous vous initierez à son passé et tôt ou tard, vous le démasquerez. Vous serez la Dalila de ce nouveau Samson, vous lui couperez les cheveux et nous le livrerons aux Philistins. » Dans ce plan, c'était donc Julia qui devait jouer le principal rôle, ce n'était pas Vibert. Il avait été engagé pour remplir l'emploi de confident, se tenir le plus souvent dans la coulisse et ne paraître en scène qu'à de rares intervalles pour écouter une tirade, essuyer des pleurs et recevoir l'héroïne dans ses bras. En un mot, il ne devait être mêlé qu'indirectement à l'action. Cependant, Vibert, emporté sans doute par ses dispositions artistiques, animé de trop de zèle, avait trouvé moyen de corser son rôle et de se placer au premier plan. On le voyait tout à coup sortir de la coulisse, sans avoir été appelé, et se glisser dans les scènes à deux personnages qui n'auraient dû être joués que par les acteurs principaux, Julia et Savary. Était-ce Julia qui lui avait demandé de lui prêter son concours? Redoutait-elle de se trouver en contact trop immédiat avec Savary? Craignait-elle, livrée à ses propres forces, de ne pouvoir jouer assez habilement son rôle, de se trahir, d'être impuissante à cacher sa légitime indignation en présence de l'homme qu'elle persistait à soupçonner? Mais Vibert n'était pas indispensable à Madame Vidal. Ne pouvait-elle pas appeler à son aide pour être entière dans ses entretiens, pour troubler quelques périlleux tête-à-tête, Marietta, sa suivante, sa compatriote et son amie? Puis, de telles timidités devaient être inconnues de Julia. Pour avoir accepté le rôle que lui proposait Vibert, pour avoir consenti à se prêter aux exigences de la situation qu'elle s'était faite, être devenue volontairement la complice d'un agent de police, et pour obéir si scrupuleusement aux volontés de Maurice Vidal, il fallait qu'elle eût un caractère bien énergique, un courage à toute épreuve. Une telle femme devait marcher droit sans but, sans demander l'aide de personne et sans jamais crier au secours. Enfin, ne devait-elle pas désirer prolonger le moins possible la situation cruelle où elle se trouvait, rentrer en possession d'elle-même et se débarrasser de Savary, soit qu'elle le reconnût innocent, soit qu'elle le livrât aux tribunaux. La maladresse que nous avons signalée ne pouvait donc être reprochée qu'à Vibert, l'homme habile cependant par excellence. Il prolongeait indéfiniment, par sa faute, une situation fausse, et plutôt que de s'effacer comme il l'aurait dû, il empêchait Savary de se faire connaître de Julia sous son véritable jour, et de se livrer peut-être à la suite de quelques mystérieux tête-à-tête. Cependant, le terrain était bien préparé. L'heure propice, tous les calculs de Vibert s'étaient trouvés exacts. Son plan ne reposait-il pas tout entier sur l'amour que Julia devait nécessairement inspirer à Savary, et cet amour pouvait-il tarder à naître? Il suffira pour répondre à ces dernières questions de jeter un rapide coup d'œil sur quelques coins encore obscurs dans l'existence d'Albert Savary. Le père d'Albert Savary avait déjà une quarantaine d'années et occupait un modeste emploi dans les bureaux de la préfecture du département de la Meurthe lorsqu'il commit la faute de s'éprendre d'une fort jolie femme appelée Coralie qui tenait le comptoir du café Stanislas à Nancy. Après lui avoir fait sans succès une cour assidue pendant plusieurs mois, il se décida à l'épouser malgré les conseils de ses amis et les remontrances de ses chefs. Ce mariage ne devait pas être heureux. Au bout de 2 années, Coralie s'enfuit un beau jour avec un officier de la garnison. Savary père ne tarda pas à mourir à la suite d'une longue maladie causée par le chagrin. À ses derniers moments, il n'adressa aucun reproche à celle qu'il avait si cruellement abandonnée et qui, devenue une sorte de femme galante, demeurait alors à Paris, entourée de tout le luxe désirable. Il se contenta de la faire prier de veiller sur le fils qui leur était né dans la première année de leur mariage et qu'il laissait sans ressources et sans protecteur. Coralie, nous devons lui rendre cette justice, s'empressa de répondre à cet appel. Elle fit venir l'enfant près d'elle et prit soin de son éducation. Mais quelle éducation peut recevoir le fils d'une femme entretenue, à moins que cette femme ne soit bien distinguée et bien exceptionnelle? Elle a beau s'entourer de mystères, prendre des précautions pour cacher sa vie, avoir, lorsqu'il s'agit de son enfant, des délicatesses d'honnête femme, elle en arrive toujours à se trahir. C'est un propos qui lui échappe maladroitement, une action irréfléchie qu'elle commet à son insu, une conversation qu'elle n'a pu éviter et qu'elle ne peut empêcher d'entendre. L'enfant grandit, compare et réfléchit. Il s'aperçoit que sa mère, lorsqu'elle vient le voir à sa pension, n'est pas habillée comme les autres femmes. Sa démarche est remarquée. Elle a une façon de s'exprimer qui semble choquer tout le monde. Les parents des autres élèves évitent au parloir de s'asseoir à côté d'elle. Le proviseur lui parle avec moins de respect qu'aux autres mères, quoiqu'elle paye la pension de son fils avec une régularité parfaite. Le dimanche, et durant les grandes vacances, il rencontre à chaque instant chez lui des visages nouveaux. Il y a des hommes qui lui font des amitiés, qui le choient, qui le couvrent de cadeaux et qu'il ne revoit jamais. Lorsqu'il demande à sa mère « Que devient donc un tel ? On ne le voit plus. » La mère répond « Je me suis brouillée avec lui. » Il finit par trouver que sa mère se brouille bien souvent. Puis il assiste à des scènes de domestiques, à des scènes de créanciers. On essaye de les lui cacher, mais l'enfant est si curieuse. Enfin, un jour, il est fixé. Un camarade plus âgé que lui, un roman qui a pénétré dans le collège, une indiscrétion ou une méchanceté quelconque, le met au courant de la situation. Il comprend que sa naissance le place au banc de la véritable société, qu'il est déclassé comme l'a été et l'est encore sa mère. Quelquefois, cette triste découverte amène de bons résultats. Il se dit que, en fin de compte, sa mère l'a élevé, l'a choyé, l'a aimé, qu'elle lui a tout donné, excepté une seule chose, la considération, et que cette considération, il l'acquerra à force de travail et d'honnêteté pour la faire rejaillir sur la vieillesse de sa mère. Il n'était qu'un enfant, tout à coup, comme par enchantement, il est devenu un homme. Mais ce que nous venons de dire est l'exception. Le plus souvent, les mauvais exemples ont produit leurs fruits, et l'enfant d'une femme légère se conduit avec légèreté dans la vie. C'est ce qui arriva pour Albert Savary. Il venait à peine d'atteindre sa 3e année, lorsque Coralie mourut subitement, le laissant à la tête d'un splendide mobilier, de 2 voitures, 3 chevaux, quelques bijoux, 28 robes, 5 cachemires de l'Inde et 52 francs en espèces. On fit une vente qui produisit 125 000 francs, sur lesquels vint s'abattre une nuée de créanciers. Tout partage et tout compte fait, Albert Savary parvint à retirer de la succession maternelle une trentaine de mille francs. Inutile de dire qu'il ne tarda pas à les dissiper et qu'il eut recours aux jeux de cartes et aux jeux de bourse, aux emprunts directs et indirects, à une foule de petites ruses, plus ou moins délicates, pour continuer à vivre à peu près comme il avait vécu, grâce à la tendresse inintelligente et à la complète imprévoyance de sa mère. Cette existence bizarre, nomade, incompréhensible, qu'on ne peut mener qu'à Paris et qui est celle de beaucoup de jeunes gens, fut traversée par plusieurs aventures amoureuses. Savary tenait de Coralie. Il l'aima souvent et fut parfois aimé, mais il n'eut jamais ni le temps ni le loisir de se montrer difficile dans le choix de ses amours, d'être sérieusement épris, de suivre une intrigue un peu compliquée et de la mener à bien ou plutôt à mal. Il aima à droite, à gauche, de ci, de là, ce qui lui plaisait à première vue, ce qui venait à lui, ce qui ne lui donnait pas de peine à conquérir. Il aima les femmes, il n'aima pas de femmes. Nous ne voulons pas dire cependant qu'il n'eut jamais affaire qu'à ce qu'on est convenu d'appeler de nos jours des créatures. Grâce à l'éducation qu'il avait reçue dans un des premiers pensionnats de Paris, aux manières distinguées qu'il sut emprunter à certains amis de sa mère, aux soins qu'il prenait de cacher son origine, grâce surtout à sa remarquable souplesse, à ses manières insinuantes, à sa finesse excessive, à son esprit des plus vifs, il parvint à se glisser dans quelques véritables salons et à réussir auprès de plus d'une femme du monde. Seulement, être en faveur auprès d'une femme du monde n'implique pas nécessairement qu'on soit, de part et d'autre, sérieusement épris. Qu'il s'agisse d'une de ces liaisons matérielles peut-être, mais épurées par le sentiment et le cœur. Il existe des femmes très légitimement mariées que leur naissance, leur distinction, leur fortune placent au premier rang de la société et qui traitent l'amour aussi légèrement, plus légèrement peut-être, que bien des femmes réputées légères. Leur seule vertu consiste à n'être pas intéressées et à commettre par entraînement les fautes que d'autres femmes commettent par calcul et pour soutenir leur train de maison. Ces sortes de liaisons n'engagent ni d'un côté ni de l'autre. Elles ne laissent après elles ni souvenirs profonds ni regrets amers. On se quitte comme on s'est pris. Il n'y a pas plus de déchirement qu'il n'y a eu de résistance, et quelquefois de bonnes amitiés se greffent sur ces amours éphémères. Tel avait été le bilan amoureux de Savary. Beaucoup d'amour, pas un seul amour. Bibert avait deviné juste, et il avait en même temps compris que le moment était venu où cet homme, encore jeune, fatigué, mais non épuisé, incrédule à l'égard de beaucoup de choses, mais prêt à croire aux choses nouvelles, qui avait toujours vécu comme un oiseau sur la branche, devait ardemment désirer en finir avec toutes ces intrigues énervantes, dont il connaissait le premier et le dernier mot, se retremper dans une vie plus forte, s'arrêter au lieu de courir sans cesse, aimer au lieu de désirer, remplacer enfin le caprice qu'il connaissait trop par la passion qu'il ne connaissait pas encore. Et quelle femme était plus apte que Julia Vidal à lui inspirer cette passion? Sa beauté ne ressemblait en rien à celle des femmes que Savary avait rencontrées jusqu'à ce jour. Son regard lui lançait des flammes, son sourire semblait le provoquer. Elle parlait peu, par monosyllabes, quand il fallait absolument répondre à une question trop directe, et alors, on remarquait dans sa voix quelque chose de sec, de saccadé, de vibrant, qui produisit une impression étrange. Il y avait chez elle un mélange de tristesse, de hardiesse, de douceur, de dureté, enfin des contrastes bizarres qui frappaient l'imagination et peu à peu s'emparaient du cœur. Savary ne pouvait pas longtemps tarder à être sous le charme de cette beauté fatale. Il se rendait déjà compte de l'espèce de fascination qu'elle pourrait exercer sur lui, de l'empire qu'il subirait tôt ou tard, du danger qu'il allait courir. Et ce danger, au lieu de l'éviter, de le fuir, il semblait prendre plaisir à l'affronter. Peut-être avait-il de graves préoccupations dont il voulait se distraire. Peut-être souffrait-il d'un mal inconnu dont il espérait se guérir par un mal plus cruel encore. Ne savait-il pas, non pour l'avoir éprouvé, mais pour l'avoir entendu dire, qu'un amour véritable, un amour malheureux, une passion désordonnée, apporte de terribles mais efficaces diversions à toutes les autres douleurs. La situation que nous venons d'expliquer se prolongea quelque temps encore, un mois environ. puis Savary n'eut plus qu'une pensée, se trouver seul avec Julia, obtenir un tête-à-tête, s'affranchir de l'importune présence de Vibert.